3, 2, 1, prout! Alors. Petit Boba Noël, quand tu descendras du slave. Et là, c'est fait l'intro. Et voilà. C'est parfait, vraiment, Chiki, c'est parfait. C'est encore mieux que ce que j'imaginais. Ah non, quoi que l'intro, on va la faire après. Non, bah non, en vrai, non, parce qu'il y aura. Ouais, ok, non, ça va suffire, ça va suffire, ça va l'intro. Salut à tous. Pardon, excuse-moi. Non, tu t'allais dire quoi? Ok, si tu veux, bah tu me dis. Ah putain, alors ça, alors j'avais, non, non, alors le plus drôle c'est que vous savez pas, mais j'avais déjà commencé à une époque à faire la musique de célébration des Ewoks à la fin de Star Wars 6 à la bouche. C'était chaotique et ça marchait pas, mais un jour peut-être je le ferai. Bref, ok. Salut à tous. Aujourd'hui, c'est un épisode de Faut qu'on en parle un petit peu particulier. J'ai l'impression d'être un youtubeur à dire ça. On va la refaire. Non, c'est, non, d'habitude, c'est Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Moi, ça va super. On se retrouve pour un épisode un peu spécial. Aujourd'hui, on va parler de. Et là, c'est un truc pas du tout spécial. C'est absolument ça. Et après, ils viennent te dire, au fait, cet épisode est sponsorisé par NordVPN. Saleté. Bon, allez, je leur fais excuse. Ok. Je vais couper ma caméra. Soit que ce soit encore plus stable. Bah, je remets après, je remets après. Alors, hop. Hop, je me prépare tout. Ok. Salut à tous. Le 1er novembre est sorti le trailer attendu de la série The Book of Boba Fett, qui arrive donc le 29 décembre sur Disney+. Je suis aujourd'hui accompagné de Tuki. Salut Tuki. Et de Grushkov. Coucou Grushkov. Et on va débriefer tous ensemble. Eh bien, ce petit trailer hein, qui dure quand même 1 minute 48. Premièrement, on va tout simplement parler de ce qu'on a vu dans le trailer. On vous invite naturellement à le regarder si ce n'est pas déjà fait. Grushkov, qu'as-tu pensé de ce trailer? Bah, absolument! T'as très très bien résumé la chose. Tuki? Ah, pardon, excusez-moi. Clairement, j'ai un peu le même niveau, enfin, même avis que vous, même si en soi le trailer je trouve pas transcendant, hein. On a vu des trailers plus spectaculaires chez Lucasfilm, mais il n'empêche que j'ai été également surpris du fait de voir que bah, Boba il va pas se comporter comme la dernière des merdes a priori. Donc ça je suis un peu heureux parce que c'est un peu ce dont j'avais peur et qui aurait été dans le sens de tous les haters en fait, à base de ouais bah Boba faut qu'il soit un gros bourrin, trop vénère, trop fort et tout. En fait, on s'en fout un peu de ça. Boba, c'est avant tout un être humain qui voilà, cherche à trouver sa voie dans la galaxie. Hein, il le dit bien dans le Mandalorian. Et du coup, ouais, c'est cool qu'ils aient continué dans cette optique. Ah bah et, il est ambitieux, il est ambitieux, eh. Il est ambitieux. Voilà. Est-ce qu'on va parler rapidement j'aimerais qu'on aborde quelques thématiques, notamment voilà le l'aspect enfin les extraterrestres en fait qu'il y a dans l'épisode, enfin, dans le trailer, parce que je trouve que c'est très très cool qu'il y en ait autant. Ouais, c'est pas des humanoïdes même. C'est vrai maintenant que tu le dis. Ouais, non mais oui, t'as raison. On voit plusieurs Twi'leks de plusieurs couleurs différentes. On avait vu des Twi'leks roses dans The Mandalorian, un frère et une sœur, mais là pour le coup, on a deux Twi'leks de couleurs différentes, quoi. C'est trop cool. Même plus que deux, hein. On voit également un mec Twi'lek, il me semble, à un moment. Ouais, il me semble. On voit aussi, voilà, Ouais, voilà, on voit des Itoriens, on voit des Aqualiches, on voit merde, comment ils s'appellent? La race de Skyr, là, comment ils s'appellent? Des merdes. Des Bosques, voilà. Non, mais moi aussi, hein, mais moi aussi, hein, c'est le pire. Je vais regarder sur Internet. Même si c'est une race de gros connards. Les Trandoshans, voilà, putain. Des Trandoshans, on voit vraiment plein, plein, plein de. Oui, ouais, désolé. Des Trandoshans, on voit vraiment plein, plein, plein de créatures diverses et variées. Et. Il y a même un. Oui, c'est vrai. Ouais, complètement. C'est. Et surtout, alors. Je suis un peu bête, mais enfin, souvent dans les trucs Star Wars, quand je vois des espèces ou quoi, je sais qu'ils sont là, je sais qu'ils sont dans Star Wars, mais je sais jamais vraiment d'où ils viennent à la base. Et il me semble pas avoir déjà vu un Itolan comme ça, enfin un Itorien comme ça, dans un film parler. Ouais, hein, d'accord, ok. Bah écoute, c'est. Bah c'est bon à savoir, c'est parce que pour le coup, ouais, c'est un peu dans la même lignée du Mandalorian. Hein. Rappelez-vous, hein, dans la série, on voyait plein, plein, plein de créatures extraterrestres qu'on n'avait pas encore vues en live, en fait. Ou très peu. Et là, c'est un peu le cas, j'ai l'impression. Alors, il n'y a pas que les Trandoshans, hein, je crois. Il me semble. Ouais, les aqualiches. Ouais. Si, je crois que c'est des aqualiches. Et il y a aussi. Il y a aussi ceux qui. On dirait des espèces de bulldogs, là. Je sais pas comment ils s'appellent. Je me rappelle plus. Mais c'est pas des Trandoshans, ceux qui sont à côté des Trandoshans, justement. Oui, mais justement, c'est pas que des Trandoshans. Tu verras qu'en fait, il y a d'autres créatures à côté. Ouais, il me semble. Et donc voilà, il y a pas mal de ouais de personnages hauts en couleur, hein, c'est le cas de le dire, mais c'est vraiment agréable de voir tout ça en live. Enfin, moi j'ai vraiment vraiment hâte de voir cette série. Par rapport à la qualité visuelle du trailer, vous avez pensé quoi généralement, globalement même plutôt de ce que vous avez vu dans le trailer. Est-ce que d'un point de vue des effets spéciaux, d'un point de vue de la lumière, de la couleur, est-ce que ça vous a plu, Tuki? Oui. Grave, ouais, parce qu'on ne connaît que Mos Eisley et Mos Espa, quoi. Bon, aussi, Mos... Le village... De quoi? Ouais, c'est ça, moi c'est pas le go. Ouais, alors. C'est pas sorti encore, c'est Star Wars, c'est pas Heroes, c'est un jeu développé par Zynga, qui a priori ne se passe pas sur Tatooine, mais plutôt dans un endroit où il y a des arènes qui ressemblent aux différents, enfin, t'sais, aux différents environnements de Star Wars. Et oui, c'est Star Wars Hunters. Et du coup, à la fin du trailer de Star Wars Hunters, du dernier trailer qu'on a vu, justement, en gros, ça recule. Et tu sais, c'est un peu comme dans Hunger Games, où en gros, tu te rends compte que c'est un environnement artificiel. Ouais, c'est ça. Oui, j'allais en parler justement. On voit les Tuskets. C'est vrai qu'on. J'ai oublié, ouais, mais c'est cool. J'espère qu'on va. On va... J'espère du coup qu'on retrouvera peut-être même des Tusken qu'on a pu voir dans The Mandalorian, je sais pas. Mais ça pourrait être cool. Enfin, moi, je suis très content de voir ça. Et pour une fois, je suis pas deg que ça se passe sur Tatooine. Complètement. Grushkov, qu'as-tu pensé de ton côté de l'aspect visuel du trailer? C'est vrai, ouais. Ouais, pareil, ouais. Ouais. C'est possible, hein. Sa morning routine et tout. Non mais pour le coup oui, Boba il est mieux en état que dans le Mandalorian, et du coup comme tu dis Grushkov, en fait si ça se trouve tout simplement il a pris une douche en fait, parce que concrètement s'il est resté je sais pas combien de temps s'il est resté je sais pas combien de temps dans un sardac et qu'en sortant bim il y a un autre Mando qui l'attire pour aller à l'aventure et sauver son gamin, bah peut-être qu'il a juste tout simplement pas pris de douche, de toute façon son slave il y en a pas, donc ouais je sais pas. Bah peut-être, ouais, c'est incroyable, t'imagines? Dans ma tête, c'est comme ça. Dans ma tête, c'est vraiment comme ça. Le mec, il a pas une seconde de répit, quoi. Ouais. Ouais, totalement d'accord avec toi pour le coup, Chucky. Montrez-moi la vie un petit peu de ce qu'on n'a pas l'habitude de voir sur Tatooine, quoi. Hors des Jedi et tout ça, même si voilà, on n'est pas à l'abri d'un Filoni qui nous rapporte tous ses potes avec des sabres laser, quoi. Mais bon, on n'y est pas encore, on espère que ça va pas être le cas. T'imagines, putain de merde, mais quel enfer, et casse-toi, quoi. Non, mais en tout cas, ouais, c'est vrai que c'est très cool de voir ce trailer voilà, apparaître. J'ai vu sur Internet qu'il y avait des réactions un petit peu voilà, dithyrambiques. Est-ce que ça veut dire ça, dithyrambique? Je ne sais pas. Donc, pas dithyrambique. Plutôt des réactions un peu mitigées. Ouais, c'est mieux. Je vais utiliser des mots que je comprends. Plutôt des réactions. Des réactions. Des réactions un peu mitigées. Ouais, voilà, polarisées. Merci. Merci. Mais voilà, des réactions un petit peu polarisées, mitigées, tout ce que vous voulez. Pas dithyrambique, du coup. Parce que justement, là, les gens trouveraient Boba trop gentil, trop mou et. Et voilà, il faut savoir, oui, on l'a pas dit, hein, mais dans le trailer, Boba, on n'a pas parlé de on a parlé de la forme, mais pas du fond. Voilà, en gros, on apprend dans cette série que Boba a plus ou moins envie de refaire une sorte de syndicat du crime, mais un syndicat du crime qui soit, je sais pas, ouais, une coopérative, ouais, c'est ça. Genre, ouais, en fait, tout simplement, hein, tu l'as dit, Grushkov, mais oui, non, on s'attendait à avoir un boba sanguinaire, on a un boba communiste, quoi. Donc, vraiment, c'est. Et à un moment, faut bien qu'il montre que c'est le patron, merde! De toute façon, les gens détestent la réussite. Et c'est vrai, voilà. Et tout simplement, le mec avait un casque qu'il n'arrivait pas à enlever, bah il tape dessus pour l'aider à l'enlever, c'est tout, après. Non, mais c'est. Voilà, c'est tout. C'est un malentendu. Non, mais en vrai, c'est cool de voir Boba comme quelqu'un qui ne soit pas une bête sanguinaire. Les comics avec lui, dernièrement, qui sont sortis, ceux écrits par je sais plus qui. Il me semble que Charles Soule a participé, mais il a pas fait la série War of the Bounty Hunter. Ouais, il me semble qu'il n'a pas fait l'entièreté de la série. Mais dans ces comics-là, j'en ai lu un ou deux, je crois, des issues. Et je trouvais encore, hein, il y avait le même problème d'un Boba trop bourrin, trop violent. Et là, du coup, je suis content de voir l'inverse. Bah oui, c'est ça qui est cool. C'est ça qui est bien, tu vois, c'est qu'il y a. Ouais. Pareil. Ouais, non, ça a l'air d'être le même effort, hein. Et pour le coup, il a peut-être voilà, massacré tout ce qui restait du palais de Jabba, hein, avec Bib Fortuna à la fin du Mandalorian, mais il n'empêche que voilà, c'est quelqu'un de juste et de bon, hein, comme le rappelle son acolyte Fennec Shand, hein, qui dit que voilà, si vous parliez mal de Jabba, vous étiez nourri à ses potes, avec Boba, vous pouvez dire ce que vous voulez, quoi. Donc, ouais, je pense. Non, mais je pense aussi sincèrement que le petit Boba là, il sait s'entourer quand même. Parce que, sincèrement, le mec qui a pris genre la femme la plus dangereuse de la galaxie à ses côtés, elle est tellement badass. Oh, Ming-Na Wen, ouais, qui a repris son rôle, mais elle est tellement stylée, quoi. Je suis trop content de la voir parce que je sais plus si j'en ai parlé dans les épisodes, mais j'étais un peu en bad après la saison 1 de Mandalorian en me disant putain, ils ont fait venir Ming-Na Wen pour un épisode quoi. Là, je suis content qu'elle ait enfin sa série. C'est cool. Oui, on est souvent surpris, mine de rien. Les gens disent que Star Wars c'est tout le temps pareil, mais n'empêche que. On est souvent surpris, on a affaire à des petits changements de trajectoire qu'on n'attendait pas forcément. Absolument, ouais. Absolument. Bien, est-ce que vous pensez qu'on a tout dit? Peut-être un petit mot sur les acteurs et les castings. Ouais, je vais faire ça. Je vais essayer d'aller voir juste ouais, sur IMDb avant de dire des bêtises. Je me dépêche. Hein. Ok, super. J'ai ce qu'il faut sous les yeux. Pour l'instant, nous n'avons pas de. Pour l'instant, nous n'avons pas de membres au casting, à part trois d'entre eux, qui sont donc Temuera Morrison, un acteur qui jouait Jango Fett dans l'épisode 2 et qui reprend son rôle, bah, qui a pris le rôle de Boba dans Le Mandalorian et qui reprend donc son rôle pour eh bien, cette saison 2. Cette saison de Book of Boba Fett. On retrouve également Ming-Na Wen dans le rôle de Fennec Shand, qui donc reprend son rôle après la saison 1 et 2 de Mandalorian, et aussi une saison de Bad Batch, hein, où elle a fait quelques épisodes. Et on a également l'actrice Jennifer Beals, qui joue un rôle, il me semble qu'elle joue une Twi'lek dans le trailer, et c'est une actrice qu'on a pu voir dans... Ça a sonné à la porte. C'est une actrice qu'on a pu voir dans des séries, des films qui sont pas trop trop connus a priori. Sur sa page IMDb, ils me disent qu'elle a joué dans The Bride, donc un film de 85, mais aussi dans The Book of Eli en 2010. Donc voilà, c'est à peu près ses principales. De quoi? Ouais! Elle aime bien les livres. Bah écoute, tant mieux pour elle, j'espère qu'elle va être servie. Et donc voilà, j'ai très très hâte de voir ce qu'il en est de la série et surtout du casting, hein, parce que pour l'instant, c'est un petit peu un petit secret. Ils n'ont pas encore trop dévoilé de casting, hein, contrairement à Mandalorian, où ils n'hésitaient pas à dire vraiment tous les noms, même avant que les acteurs soient montrés, enfin des personnages soient montrés, ils n'hésitaient pas. Là, pour le coup, c'est un petit peu plus secret. On va bien voir. En tout cas, nous serons là pour en parler. Bien, ça sort le 29 décembre sur Disney+. Donc, nous serons naturellement là pour en parler dès quel jour, mon petit Grushkov, je ne me rappelle plus. Ah ah! Que de teaser hein, pour cette fin d'émission. Je vous remercie, Grushkov et Tuki, d'avoir été avec nous pour parler de ce trailer. Merci, Tuki. C'était un grand plaisir de t'avoir. On ne t'a pas souvent pour les émissions. Faut qu'on en parle. C'est toujours un immense plaisir d'entendre ta voix. Merci à toi, Grushkov, hein, qui, voilà, avec qui d'ailleurs je n'ai pas enregistré d'épisode depuis un moment. De faut qu'on en parle, donc je suis très heureux de te retrouver, mon petit Grushkov. J'en doute absolument pas. Je vous fais. Non, je ne peux pas dire je vous fais des bisous. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. À bientôt. Salut! Bah, c'était parfait ça!